Utilise la musique. Yes, on vient te parler de la musique. Parce que la musique est très importante dans nos vies. Elle est dans nos cœurs, dans nos esprits. Alors écoute ce message. Utilise la musique pour atteindre les sommets. Elle éloigne le mal en préservant la paix. Elle me permet de m'évader et d'apaiser mon âme. À chaque fois que je l'écoute, c'est une puissance qui s'éveille, car elle a le pouvoir de me faire planer. Au-dessus de Babylone, je me mets à voler. Je touche les étoiles et j'essaie de les décrocher. C'est pour toi, ma gale, que je viens les apporter. La mélodie s'empare de ton corps. Waouh, waouh. Les deux réunis ensemble quand je m'endors. Ouais, me donne la sagesse et me rend plus fort. Et d'apaiser mon âme comme la femme. Oh oui, pour moi tous les jours la musique est vitale. Non, ouais, ouais. Si jamais tu te sens paumé, écoute-la. Si jamais tu te sens volé, remercie-la. Elle t'accompagne où que tu ailles, dans les villes ou dans les campagnes. Redonne du courage à ceux qui l'ont perdu et sont au bas. Elle nous permet de pouvoir nous exprimer. Oubliez toutes les colères que Babylone peut causer. Elle est universelle, la musique t'ensorcelle. Elle te fait oublier toutes les querelles. Vole de tes propres ailes pour atteindre les sommets. Combien de temps faudra-t-il qu'on attende? Et j'essaie de faire passer un message conscient. Mais jamais ils ne pourront me faire descendre. Que ce soit du roots, du reggae ou du raga, quand le monde sur la piste veut allumer son lighter. Un moment pacifiste pour tout notre